Et bravo Rajamie, parce que c'est une belle équipe. Bon match. Voir Christian Marquet sur un écran aux couleurs éclatantes. Choisissez votre TV pour le foot dans un magasin Vandenborre et emportez-la directement. Vandenborre. Ça m'est égal, Denis, si on commence le journal en retard. Vous aussi, vous étiez à côté. J'étais En raison d'une action menée par Jérôme de Warzé et moi-même, vu que vous êtes si bon en prévision, on vous laisse la météo, mon vieux. Ah, voilà, bien joué. Non, allez, je vais quand même prendre le relais pour vous annoncer des averses aujourd'hui. Il y en a quelques-unes encore assez fortes, notamment sur la province de Luxembourg actuellement, mais ailleurs, elles sont plutôt dispersées. Matinée, je vais dire calme. Ensuite, après-midi, avec des averses, coup de tonnerre possible, 14 à 18 degrés. Attention, pas d'amélioration avant samedi. On aura encore beaucoup d'averses les prochains jours. Il est 8h et à la une de l'actualité, début décevant pour les Diables Rouges à l'Euro de football. 0-2 face à l'Italie hier soir, rien n'est perdu, mais il va falloir se bouger pour accéder au 8e de finale. On a reçu un coup de pied aux fesses aujourd'hui, j'espère que ça va booster tout le monde. Il nous reste 2 matchs et il faudra arracher 2 victoires, on a encore toutes les chances de passer. On tire les enseignements de ce mauvais départ avec Manuel Jousse dans quelques instants. Un nouvel attentat au nom du groupe terroriste État islamique. Un couple de policiers a été tué hier soir en France. L'agresseur a ensuite été abattu par les forces spéciales d'intervention. Aux États-Unis, la tuerie d'Orlando s'invite dans la campagne pour l'élection présidentielle avec des prises de position très divergentes entre Hillary Clinton et Donald Trump. Appel à l'unité pour la candidate démocrate, rejet des musulmans pour le républicain. En Belgique, la NVA s'en prend une nouvelle fois à la monarchie. 2 députés nationalistes estiment que la reine Mathilde sort de son rôle en recevant demain l'ancien président de la Banque mondiale. Ce matin, nous tirons aussi le bilan de l'EPA, l'encadrement pédagogique alternatif, le cours de rien, comme on l'a appelé. Les élèves et les profs que nous avons rencontrés sont satisfaits. Et c'est donc la déception ce matin pour les supporters des Diables Rouges. Ils sont déçus, c'est vrai, mais certains ont quand même passé une bonne soirée devant le match Belgique-Italie. Surtout s'ils ont regardé la rencontre avec des supporters italiens, car la ferveur et la bonne humeur des tifosi est vraiment communicative. Alors avant de tirer les enseignements du match, nous nous rendons au Solvay, un café de Liège où Belges et Italiens ont fait la fête ensemble. C'est Michel Gretry qui nous y emmène. Hey, Le Solvay, ce n'est pas un bistrot ordinaire. Il sert de local à la fois à des supporters des Diables Rouges et à des supporters de l'AC Milan. C'est donc un concentré de l'univers italo-liégeois. Ils sont où les Italiens? Bon, il n'y en a pas. Moi, je suis supporter de l'Italia. Tout ce petit monde se connaît, se côtoie, se mélange dans la bonne humeur. Une bonne humeur qui résiste même à l'amertume de la défaite et à l'euphorie de la victoire. Le réalisme italien, hein, comme à chaque fois. Donc, on a une équipe un peu plus faible que d'habitude, mais on est quand même toujours là, au moins qu'on est là. Donc. L'ambiance n'était pas trop belge ici. Ah non, c'est un café italien. Hein. C'est le truc de l'AC Milan ici. Hein. Vous allez faire quoi maintenant? Non, mais non, je vais rentrer à la maison. Je sais pas mon style. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, je faisais la fête. Allez, au lit. Deux shots terminés. Au lit, les gars. Au lit. Bonne nuit. Tu vas prendre. Bonne nuit. Reportage de Michel Gretry avec Jean-Marc Vierzé. La douche froide donc pour les Diables Rouges ce matin après le 0-2 dans ce premier match de poule. Les hommes de Mark Wilmots qui ont subi la loi d'une Italie plus réaliste, très solide en défense et efficace face au but. Les réactions d'Axel Witsel et de Mark Wilmots. On a reçu un coup de pied aux fesses aujourd'hui. J'espère que ça va booster tout le monde. Il nous reste 2 matchs et il faudra arracher 2 victoires. On a encore toutes les chances de passer. Et qu'est-ce que le coach a dit après le match? Qu'il fallait pas baisser la tête, qu'il fallait la lever, qu'il restait 2 matchs et qu'on va passer. On a de la pression, mais ça on l'a depuis le début du tournoi. Ils ont fixé la barre très très haut. Je dis des matchs de haut niveau, ça se joue à pas grand chose. Et vous avez eu la preuve aujourd'hui. Je pense que ça c'est le haut niveau. Donc une équipe qui sait défendre et qui donne pas beaucoup d'occasions. Et quand elle en donne, si on ne les punit pas, nous on en donne une, on est puni tout de suite. L'ambiance dans le vestiaire? Mais l'ambiance était la déception, ce qui est normal. Vous leur avez dit quoi? Habitué d'être battu. Je leur ai dit de ne pas commencer à chercher chacun dans son coin. Qui a fait les erreurs et comment? Je pense qu'il y a un groupe qui est là, il y a des gens qui travaillent derrière. On a perdu une bataille, mais on n'a pas encore perdu la guerre. Parce que dans le premier tour, c'est la qualification pour les 8e qui compte. Puis on va se concentrer sur les 2 prochains matchs. Axel Witsel et Marc Wilmotte, interrogés par Ebi Brouzakis et Vincent Langendries. Emmanuel Jousse, vous êtes l'un de nos envoyés spéciaux en France. Vous avez suivi et commenté la rencontre hier soir sur Vivacité. La Belgique est-elle déjà aux portes de l'élimination ? Il est évidemment trop tôt pour le dire, puisqu'il reste deux matchs et que le système permet même de se qualifier au pire comme meilleur troisième. Mais il est évident que cette entame ratée ne va pas rendre les choses faciles. Tout d'abord parce qu'actuellement, nous sommes derniers du groupe. Ensuite, parce que la pression sera maximale avant d'affronter l'Irlande samedi et qu'il faudra plus qu'un déclic d'ici là, peut-être une profonde remise en question. Mais alors certains joueurs n'ont pas été à la hauteur, on pense à Kevin De Bruyne qui est très critiqué ce matin dans la presse. Marc Wilmotte sera sous le feu des questions cet après-midi en conférence de presse, il va devoir expliquer ses choix. Oui, c'est probable, Marc Wilmotte a perdu sa partie d'échecs face à son homologue Antonio Conte et même si on ne peut pas lui faire porter le chapeau à lui seul, on peut quand même s'interroger sur certains de ses choix, notamment celui de confirmer De Bruyne à droite alors que celui-ci préfère un rôle plus central. De Bruyne a d'ailleurs été l'un des plus mauvais diable hier. Ensuite, le choix de faire monter Origi comme attaquant alors que Wilmots n'a cessé de répéter qu'il le voyait comme un médian. Au Brésil, Marc Wilmots a souvent pu compter sur son banc pour faire la différence. Bien ici, ça n'a pas été le cas. Aussi talentueux soit-il, les remplaçants se sont marchés sur les pieds. Bref, on ne peut plus parler d'une patte de lapin, mais d'un lapin qui traîne la patte. Merci Emmanuel Jousse. La Belgique qui est ce matin quatrième et dernière du groupe E, puisque plus tôt dans la soirée, la Suède et l'Irlande ont partagé un partout. Aujourd'hui, entraînement à 16h pour les Diables et puis deux matchs aujourd'hui à l'Euro. Autriche-Hongrie à 18h et Portugal-Islande à 21h. Et puis l'actualité de ce matin, c'est également ce nouveau geste fou d'un homme qui se revendique du groupe terroriste État islamique. Cela s'est passé en France, à une cinquantaine de kilomètres de Paris, dans les Yvelines. Un homme s'en est pris à un policier et à sa compagne. Il les a tués tous les deux, Nathalie Servet. Oui, l'homme a d'abord agressé le policier alors qu'il rentrait chez lui. Il lui a porté plusieurs coups de couteau mortels. L'agresseur a ensuite pénétré dans la maison du couple. Il a pris en otage la compagne du policier, elle-même fonctionnaire de police, ainsi que leur petit garçon de 3 ans. Des voisins ont alors donné l'alerte. Pendant près de 3 heures, les policiers d'Urette ont tenté de négocier avec le forcené qui s'est revendiqué du groupe terroriste État islamique. Mais vers minuit, l'assaut est donné. Des détonations retentissent dans le quartier, comme le racontent des voisins. Des impacts en grand nombre, parce que ça a pas mal mitraillé au départ, fusée à pompe, mitraillette et une quinzaine de coups de pistolet vers la fin, avant la fin de l'assaut. Ouais. Pendant l'assaut, quand ils ont lancé les grenades flash, on a entendu une femme crier. Après, qui c'était, aucune idée. Une fois à l'intérieur de la maison, les policiers d'Urette abattent le forcené. Ils découvrent ensuite le cadavre de la compagne. L'enfant est, lui, sain et sauf, bien sûr, très choqué. Nathalie, on en sait un peu plus maintenant sur l'auteur de ce double meurtre. Oui, il a 25 ans. Il est déjà condamné en 2013 pour avoir participé à une filière d'acheminement de djihadistes vers le Pakistan. Son double meurtre de cette nuit dans les Yvelines a été revendiqué par le groupe terroriste État islamique. François Hollande a promis de faire toute la lumière sur ce drame. Une réunion est en cours à l'Élysée. Merci Nathalie. Aux États-Unis, la ville d'Orlando en Floride est toujours sous le choc. 2 jours après l'attaque qui a coûté la vie à 49 personnes dans une boîte de nuit gay. Omar Mateen, l'auteur, était un jeune américain d'origine afghane, homophobe notoire. Cette fusillade s'est invitée dans la campagne présidentielle américaine. Aline Moivreille, avec des positions qui font le grand écart. Mais oui, du côté républicain, pour Donald Trump, le terrorisme prend ses racines dans l'immigration. Les deux phénomènes sont liés dans ses discours depuis le début de la campagne. Hier, Donald Trump a donc expliqué que, je cite, « quand il sera élu, il suspendra l'immigration venue de pays qui ont un passé de terrorisme ». Nous ne pouvons plus nous permettre que des milliers et des milliers de personnes arrivent dans notre pays, des personnes dont beaucoup ont le même schéma de pensée que ce tireur barbare. De nombreux principes de l'islam radical sont incompatibles avec les valeurs de l'Occident et ses institutions. Une proposition très floue et des flèches décochées en direction de sa rivale Hillary Clinton. Selon Trump, son programme va attirer des centaines de milliers de réfugiés du Moyen-Orient. Et Hillary Clinton, elle, côté démocrate, prône l'unité un peu comme après le 11 septembre. Oui, elle veut aussi s'attaquer à la propagande des groupes terroristes. Omar Mateen était américain, né aux États-Unis. Il s'est sans doute radicalisé sur la toile, Hillary Clinton. On doit faire un meilleur travail en interceptant la communication de l'État islamique. Il faut aussi un meilleur suivi et une analyse des messages sur les médias sociaux et la cartographie des réseaux djihadistes. Il faut aussi faire entendre des voix crédibles qui peuvent fournir des alternatives à la radicalisation. Selon elle, la lutte contre le terrorisme passera aussi par un meilleur contrôle sur la vente d'armes. Grand écart avec les deux candidats encore, puisque Donald Trump estime quant à lui que si les victimes d'Orlando avaient été armées, le drame aurait pu être évité. Merci Aline Wavrayer. L'enquête se poursuit après cette fusillade d'Orlando et une nouvelle piste est évoquée. Omar Mateen était peut-être un homosexuel refoulé. Il avait fréquenté la boîte de nuit Le Pulse à de nombreuses reprises et aurait fait des avances à un ancien camarade de classe. La reine Mathilde sort-elle de son rôle? C'est en tout cas ce que prétendent deux députés de la NVA. La reine recevra demain en audience le président de la Banque mondiale. Une rencontre dans le cadre de l'intérêt que porte l'épouse du roi Philippe aux objectifs des Nations Unies pour le développement durable. Mais pour ces deux députés nationalistes, c'est une usurpation de la reine Mathilde, car la Constitution ne lui reconnaît aucun rôle. Alors, la reine Mathilde en fait-elle trop? Non, estime le constitutionnaliste Christian Behrendt, même si celle-ci doit tout de même faire attention aux gestes qu'elle pose. Il convient à ce qu'elle reste dans des domaines qui sont consensuels, des domaines artistiques, philanthropiques, caritatifs, mais il me paraît difficile de ne pas concevoir que le domaine du développement durable soit également un domaine très consensuel. Si dans ce domaine-là et dans la poursuite de son engagement pour cet objectif très noble qu'est le développement durable, elle reçoit un acteur de premier plan afin de s'informer auprès de celui-ci, sans prendre elle-même position, mais tout simplement pour recevoir des informations, je crois que là, il n'y a aucune difficulté. La difficulté naîtrait, bien entendu, si elle commençait à recevoir des personnes qui sont directement impliquées dans des processus politiques, c'est-à-dire des décideurs politiques, pour parler politique. Il serait évidemment très différent si la reine s'entretenait avec le président de la Banque mondiale sur des questions d'investissement ou sur le secret bancaire ou sur l'évolution future de l'économie en Belgique et ailleurs, mais manifestement tel n'est pas le cas ici. Christian Behrendt, constitutionnaliste à l'Université de Liège, interrogé par Pierre Magos. L'année scolaire se termine et on tire le bilan ce matin du fameux cours de rien. Si vous dites le cours de rien, vous allez vous faire engueuler, hein, Benjamin. Je sais. Vous savez qu'on ne peut pas dire ça. Pas. Mais c'est vrai que c'est comme ça qu'on l'a appelé, le cours de rien, ce fameux cours qui remplace le cours de morale et le cours de religion pour ceux qui ne veulent aucun des deux cours philosophiques. Le vrai nom de ce cours, c'est EPA, encadrement pédagogique alternatif. On pourrait aussi l'appeler finalement le cours fourre-tout, puisqu'aucun programme n'est imposé. Et c'est peut-être ça, d'ailleurs, qui est intéressant et qui a plu aux élèves. Reportage d'Isabelle Palmitessa à l'Athénée de Dour, dans le Hainaut. C'est la toute dernière heure du vendredi. L'Athénée de Dour est presque vide. Il ne reste que la classe de PA. L'enseignante est ici plutôt une animatrice. Le contenu du cours vient des élèves. Les garçons, vous pensez à des questions philosophiques sur le thème du harcèlement? C'est pas vraiment un cours, quoi. C'est l'encadrement. C'est ça que j'aime bien. Et ces élèves de 2e, 4e et 5e ont enchaîné les débats, les rencontres et les projets. Avec la SBL Annoncer la couleur, on a organisé une exposition photo. Et donc voilà, ça nous a permis de faire de beaux projets, quoi. On a fait des recherches sur beaucoup de thèmes comme le djihadisme, le racisme. Mais tout ça, on peut pas en parler au cours de morale? Si, on peut en parler, mais dans de moindres mesures, parce que dans un cours de morale, c'est des thèmes prédisposés. Alors qu'ici, elle nous a vraiment demandé les thèmes qu'on voulait prendre et ça fait sortir pas mal de préjugés. À partir de quand on est harcelé? Marie-Noël Rombaud est aussi professeure de morale, mais elle n'a pas voulu faire de ce cours un cours de rien. C'est vrai que ça ne m'emballait pas, mais finalement, la manière de travailler, la manière dont on a réfléchi pour correspondre aux choses tout en les faisant de manière assez spontanée, libre et qui s'adaptait aux élèves, finalement, tout le monde était un peu respecté là-dedans. Un cours de citoyenneté va bientôt remplacer ces heures de PA, mais ici, les étudiants ont pris goût au choix libre des thèmes. Et en Fédération Wallonie-Bruxelles, 8000 élèves étaient inscrits en EPA, la moitié en primaire et la moitié en secondaire. Dans l'actualité de ce matin aussi, Maggie De Blocq a obtenu gain de cause. Notre alimentation devra contenir 5% de calories en moins qu'en 2012. C'était la volonté de la ministre fédérale de la Santé qui a obtenu l'engagement du secteur qui a signé une convention alimentation équilibrée. Concrètement, les entreprises alimentaires, les chaînes de restaurants ou les services de cuisine collective promettent de réduire réduire la teneur énergétique de leurs produits. On en reparlera tout à l'heure dans le journal de 9h. Malheureusement, en termes d'obésité, personne n'est compétent à cette table, ni Sarah de Padua, ni vous, Christophe. 5% de calories, c'est pas beaucoup finalement. J'ai essayé de faire le calcul, mais ça va. C'est pas... Attendez, faites par an, ça fait beaucoup. Ah oui. Non, mais si on fait le compte par jour, par an, après. Attendez, c'est 5% par jour, par personne. Faites 365 fois 5. Parce qu'on peut manger 5% pour 1000 personnes. Ouais. Et on peut tromper 1000 fois sa femme si on mange 5% en moins de calories. Vous allez dans l'adultère, monsieur. Mais non. Il trouve des liens partout. Mais non, je demande juste, est-ce qu'on peut, en mangeant 5% de moins, tromper 1000 fois sa femme, Sarah? Ça n'a aucun sens, enfin. En tout cas, on serait plus performant. On dirait une tactique peut-être. De Wilmot. Écoutez. Allez, voilà, on commence. Écoutez, laissez ce jeune garçon entraîneur depuis peu à ses occupations pré-irlandaises. 8h15, voici un nouveau 8-9. Et si l'épargne était réinvestie à 100% dans l'économie wallonne? C'est le cas. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. C'est RTBF Mobile Info à 8h15 et votre actualité sur la route avec Benoît Ferrière. Comment est-ce que ça roule, Benoît, à cette heure-ci ? Eh bien, c'est un mardi matin contrasté, donc avec des ralentissements qui sont constatés évidemment un petit peu partout aux endroits habituels, notamment sur la E25 en provenance des Ardennes et en provenance des Pays-Bas. Ralentissement également, mais pas très conséquent du côté du viaduc d'Herstal sur la E40 ex-Bruxelles. Et alors, on en profite pour vous signaler qu'au niveau de la déviation, donc de la rue du Palais pour les travaux de la rue de Bruxelles au centre-ville, et bien sachez que vous n'êtes plus renvoyé vers la place Saint-Lambert. On vous conseille même, si vous êtes en hors-château, de tourner via les rues Velbruck et Saint-Jean-Baptiste pour rejoindre les quais de la Batte. Oui, petit rappel également de cet accident impliquant plusieurs camions, kilomètre 79 sur le 42 à Gosselies. Il y a pour le moment 1h30 d'attente pour aller vers Charleroi ou Mons. Un problème sur la route? Prévenez le 04 344 76 44. Cette semaine, le 5 à 7 de Vivacité s'envole pour le Québec. Faut y aller, faut y aller, faut y aller! Découvrez les expressions de chez nous et tentez de deviner ce qu'elles signifient. Il n'est pas question que j'aille jouer à ton quiz niaiseux. Vous pourriez remporter un panier garni québécois ou un magnifique séjour au Québec. Il faut y aller! Et le jeudi 23 juin, dès 17h, venez lâcher votre fou. Participez à la fête nationale du Québec au Moudeur Lambic, place Fontenasse à Bruxelles. Oh, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Avec Tourisme Québec, Air Transat, GoToCanada et la délégation générale du Québec à Bruxelles. Vivacité et les Diables Rouges présentent Allez les Diables avec Queen, Renaud, Puggy, Black Eyed Peas, Avicii, Dimitri Vegas, Bruno Mars. 40 titres indispensables pour faire la fête. Allez les Diables, la compilation officielle des Diables Rouges. En vente partout et sur la boutique RTBF. Gardez votre voix pour The Voice. The Voice revient, les auditions sont ouvertes. Inscrivez-vous et grande nouveauté, vous pourrez aussi inscrire un ami. Rendez-vous sur rtbf.be/thevoice. Bien sûr, il buzz même. Bien. C'est vrai que c'est un choc. Il buzz, comme un dieu même. C'est pas possible, c'est une rumeur. Mais il n'y a pas que ça. Humour, info, invité, musique, météo, infoservice, billets d'humeur. À défaut d'avancer plus vite, ça vole plutôt bas. Allez, avouez-le, le 5 à 7 de Vivacité, entre Cyril et vous, c'est bien plus qu'une simple histoire d'actu. 13h, c'est l'heure de prendre la vie du bon côté. Nous vous avons présenté ce lundi le livre Un grain de philo contre la folie du monde. L'important, c'était de vous donner le sentiment que la philo, c'est pour tout le monde. Si vous souhaitez réécouter l'émission, rendez-vous sur notre site internet. Sur vivacité.be, prenez la vie du bon côté quand vous le voulez. Vivacité à Liège. En toute complicité. Sur 90.5 FM. Phare anti-brouillard avant ? Oui. Système téléphone main libre avec commande vocale Fortink ? Oui. Climatisation ? Oui. Que demander de plus ? Le prix ? Ford Fiesta Business Class. En juin, conditions exceptionnelles sur une sélection de voitures de stock. Toutes les infos sur Ford.be. Ford. Go further. Chez Decathlon et sur Decathlon.be, il y a tout ce qu'il faut pour faire du sport en vacances. Idéal pour tous ceux qui sont du genre... Allez, prends ton nouveau masque, on va voir les poissons. Mais aussi pour tous les... Et les gars, il y a des belles vagues ! Sors la planche ! Pour eux et tous les autres sportifs, maintenant, le sport est plus facile. Décathlon, à fond la forme. Viva, viva, viva. 8h, 9h, le 8-9. Bon, je rappelle que je peux pronostiquer l'avenir de vos enfants, vous dire à quoi ressemblera votre couple demain, puisque je suis le seul à pronostiquer la victoire de l'Italie hier. On est content. Le médium. Oui. Le médium de vivacité. Je suis triste d'être content. Thierry avait dit, vous vous souvenez de ça, Jérôme ? Thierry Luther, ça avait dit hier 3-1. Oui. 3-1. Et pour les Belges, ce qui n'avait pas été mon cas. Ouais, Jérôme avait dit 2-0, Sarah 2-1. Les scores pronostiqués sont sur la page Facebook du 8-9. Il y a des preuves. Bon. Alors, dans l'actu musicale tout à l'heure. Eh bien, vous savez, à cause du foot, il n'y a pas grand-chose. Monsieur Maréchal, nous avons tout de même Florent Motte qui est, ma foi, très très beau à regarder et à écouter. Donc, ça, c'est une critique qui est quand même... musicalement, on est au top. Ah, et je retiens que c'est à cause de De Bruyne. Oui. Ça aussi. Exactement. La tristesse de l'actu musicale avec Julie tout à l'heure. Nos invités ce matin jouent du Molière au théâtre. Vous savez que chaque année, Viva for Life réunit sur scène les animateurs de la RTBF pour jouer une pièce. Et bien après le mariage de Mademoiselle Beulemans et Bosman et Coppenole, voilà du Molière, le malade imaginaire, qui sera joué les 26 et 27 juin prochains au Théâtre Le Public à Bruxelles. Et deux invités, deux comédiens, donc ils devront jouer en vert. Ça, c'est costaud. Guy Lemaire et François Mazur, ils nos sont invités en bleu, tout à l'heure. Oui, sur la photo, dans mon dos, ils sont en bleu, mais ils vont jouer en vert. Vous verrez que c'est du costaud quand même. À propos d'humour, Jérôme, si vous avez le jeu de mots fin. Pardon. 8h21, Cactus. Et une soirée cauchemardesque hier pour les Diables à Lyon. Oui, ben voilà, Kiki est avec nous. Grosse désillusion, très mauvaise entame de tournoi face aux Italiens. Comment vous sentez-vous, Kiki ? Ah ben merveilleusement bien, hein. Là j'ai l'impression de m'être assis toute la nuit sur la tour de Pise avec la basilique de Rome sur les épaules. Comme ce matin, mes déplacements sont un peu laboriers au niveau du cook suisse, c'est ça, ce que je veux dire. C'est ça. Fait bon, niveau des déplacements, c'est quand même toujours mieux que Kevin De Bruyne hier soir, hein. Mais va tout de même falloir que je trouve un coussin de la taille de l'Atomium pour que je puisse m'asseoir sans main. Oui, ça n'a pas été le meilleur match de Kevin De Bruyne, hein. Ah, on peut même dire que ça a été son plus mauvais, hein. À un moment j'ai fait lui dire, Kevin arrête, hein, mets un maillot bleu et joue en face, ça nous sera plus utile, hein. Porca de misericordia di stronzo di orribile. Toujours les bases de la langue de l'équipe qui nous humilie. Je ne te dis pas comment on va se marier contre les Suédois si c'est 0-2 dans les arrêts de jeu. Bon, maintenant, les Italiens ont quand même remarquablement géré le match. Hein. Ah mais ça, quand on joue avec les mains, c'est plus facile, évidemment. Hein. Dès le début, j'ai bien vu que ça n'allait pas. Hein. Le 5-3-2 entrait en conflit avec le 4-4-3 initial du 3-4-2-1 qui s'est transformé en variant du 6-4-2. Ça déshérite notre défense, évidemment. Ah bon, vous êtes sûr de ce que vous dites, là? Mais quoi, je fais comme Wilmots, hein. J'énonce tous les schémas possibles et j'espère un jour tomber sur le bon. Moi, j'aimerais quand même bien un jour assister à une théorie dans le vestiaire. Je l'entends d'ici moi, Willy. Écoute, si qu'on perdrait le ballon ou ce qu'il faut dézoner quand Tobi est sur sa ligne parce que Thomas est en récupération de balle, les défensifs doivent faire du jeu avec Radja, ce qui serait important d'alimenter Lukaku qui tire au flanc. Voilà, débrouille-toi avec ça, grand, joue dans une heure. Pourtant, Wilmots, il est parfait trilingue. Hein. Oui, mais le trio lesbien, un moment, que tu sois devant ou derrière, c'est toujours la barrière de la langue. Hein. Déjà, les francophones, rien que tu cites une trompe dans la ponctuation, ça donne un tout autre sens à la phrase. Bon. C'est vrai, si tu dis allons manger, virgule, grand mamie, t'as compris le sens, mais si t'enlèves la virgule, ça fait allons manger grand-mamie. Tu passes du grammatical correct au cannibale dégueulasse. Alors les Flamands qui à la base sont déjà limités syntaxiquement, voire limités tout court, tu perds des gens. Ouais, hein. Donc vous pensez que c'est un problème de communication, vous? Non, je pense que c'est un problème lié à la longueur des shorts. Mais évidemment, pour eux, c'est un problème de communication. Hein. Je crois que personne ne voit où il y veut en venir, mais personne ne move parce que tout le monde en a peur. Ah bon, c'est la même chose au CDH avec Milkey, ils ont réglé le problème, ils lui ont collé un procès sur le dos. On n'a qu'à dire qu'il y a des emplois fictifs à la FED, c'est réglé. Oui, mais... Ah mais il y a des emplois fictifs. Enfin, la fille, mais merde, c'est légal en plus. Oui, oui, bon, la tactique aurait été mal comprise alors. Et voilà, les Italiens nous ont transpercé notre défense aussi facilement qu'on que Sifredi lors de la Panna Cotta. Porca di misericordia, di mamma. C'est l'italien. Écoutez, bon, c'est tout de même étonnant parce que chaque joueur a son rôle et connaît son poste. Hein. À part Courtois, et encore, j'ai des doutes. Hein. Bon, Lukaku, c'est clair, il a décidé d'en faire son métier, il joue dos au but maintenant. Et voilà, c'est son métier. Hein. Tu veux faire quoi plus tard, Romelu? Je veux jouer dos au but. Il a réalisé son rêve de gosse. Si quelqu'un pouvait lui expliquer qu'à un moment, il faudrait quand même qu'il se retourne, parce qu'à mon avis, il n'a pas compris ça. Ah bon? Lui, on lui dit, joue dos au but, il prend ça au pli de la vigne, incroyable. Il ne s'est jamais retourné, je suis sûr qu'il ne sait même pas qui a joué gardien pour l'Italie hier soir. Bon, Laurent Simon, lui, c'est l'homme du match. Hein. Oui, c'est déjà l'homme de l'Euro. Oui, Cristiano Ronaldo peut ramener le ballon d'or. C'est pour Lolo. Ça va. Witzel, ça me fait mal de dire, mais je crois que pour tricoter, il serait mieux assis. Ça va. Bon. Vous savez, une défaite, c'est collectif, hein, Kiki. Non, mais pour une fois qu'on en baffe tous et que ce n'est de la faute ni de Charles Michel, ni celle de Marc Goblet, ni celle de Joël, ni Jacqueline et Tutti Chianti, il va falloir trouver des responsables à se camoufler. C'est, hein. C'est quand même difficile de ne pas se faire voler par des Italiens. Hein. On a quand même dominé tout le match. Enfin, dominé tout le match, vous exagérez. Et alors, Rodrigo, alors je n'en peux plus. Hein, mais t'as entendu Rodrigo à la fin du match? Les deux défenses, c'était Mozart contre Mozzarella. Oui, c'est vrai. Oui. Et quand est-ce que Michel le compte l'exclut pour cumul de fous de Beaumont, lui, Capello Benquens. Oui. Hein. Les deux défenses, c'était Mozart contre Mozzarella. Il les a toutes préparées en 87, celle-là. Je suis pour que sur sa fiche, il y avait aussi les deux attaques, c'était Bach contre Udonbach. Oui, voilà. Bien, les deux milieux de terrain, c'était Vivaldi contre Viv Colreuth. Oui. Ça va, moi aussi, je peux préparer mes commentaires à l'avance. Oui, oui, bon, ben, on est déjà condamné à battre les Irlandais, alors. Hein. Oui, et les Irlandais, j'aime autant dire qu'on va les asphyxier et qu'ils vont manquer d'air. Et ils vont manquer d'air, les Irlandais. Ah oui. À noter, Rodrigo. Celle-là, elle va rentrer au Guinness Book. Ah oui, et Guinness pour les Irlandais. Oui, Guinness, ça. Oui. Bon, je vous laisse. Il faut que je me prépare à supporter l'Albanie contre la France. Ah bon, mes condoléances, Martin Charlier, alias Kiki l'innocent. Ah ouais, et je vois aux yeux des uns et des autres autour de la table, je vois qu'il a regardé le match jusqu'au bout. Sarah, vous oui, en êtes aussi. Hein. Ouais, ouais. Très peu d'heures de sommeil. Voilà, ce matin. Beaucoup, j'imagine. Voilà, on s'est dit ce matin au bureau, hein, ce qui voulait dire bonjour en langage. À revoir sur la page Facebook du 8-9, le Cactus. 8h25, c'est le Zap Télé avec télépro.be, des nouvelles de TF1 et de ce que va faire Yann Barthès. Yann Barthès, hein, c'est le transfuge Canal Plus TF1 à partir de la rentrée. Il va avoir une quotidienne sur TMC, la radio TMC, la télévision, Monte Carlo, et puis une hebdo sur TF1 en deuxième partie de soirée. Il va faire ce qu'il fait de mieux. Finalement, c'est un peu titiller les invités, etc. Et dresser un portrait un petit peu loufoque. Et le nom de l'émission, ce sera Temps de cerveau disponible. Ah oui, référence à TF1, c'est bien. Il reste fidèle à lui-même. Autre news par rapport à TF1, c'est Jean-Luc Reichmann qui va être le parrain de Cap 48. De chez nous ? Ouais, excellent. Il a signé, il a dit oui. Donc il sera. Cri de joie. Il est sympa, le bonhomme. Il est chômage ou quoi ? Mais alors, il a du cœur. C'est tout, mais enfin, quand vous êtes. Ah, oh, c'est journaliste, je te jure. Ah, Christophe, oh. Non, ah. Il est déjà venu en interview, en promo, Jean-Luc Reichmann. Il est très sympa. Et une news rapidos en 20 secondes sur Koh-Lanta. Koh-Lanta revient cette année-ci déjà. Eh oui, de janvier. Ah. À fin mai, ils étaient là. Ils reviennent en septembre de cette année-ci avec un tout nouveau casting. Et si jamais vous aimez le jeu, rendez-vous sur TF1.fr. Il y a un autre casting pour 2017. Si jamais. Parfait. Je m'inscris. Viens pas en hélico. On garde les bons filons, là. C'était donc le journal complet de la chaîne d'en face. Voilà, voilà pour toutes les infos de TF1. UEFA Euro 2016. Vivez tous les matchs en direct sur Vivacité. Ce mardi, Autriche, Hongrie et Portugal-Islande. But après but avec la rédaction des sports. Et dès 20h, en direct de Saint-Étienne avec l'équipe de Complètement Foot, Vivacité vous fait vivre un euro bleu, blanc, diable. Avec voyage-sncf.com et l'Office du tourisme de Saint-Étienne Métropole. La Pro League, la Coupe de Belgique, la Champions League, l'Europa League, les Diables Rouges. Vivacité, le top du foot, c'est chez nous. Vous voulez voir Thibaut plonger sur un grand écran? Voir Kevin dribbler en High Dynamic Range? Voir Christian marquer en Ultra High Definition? Les Belges sont prêts pour le foot. Et nous aussi chez Vandenborg, avec les toutes dernières technologies pour la meilleure expérience visuelle. Venez choisir votre TV et emportez-la directement. Ou faites-la vous livrer dans les 2 heures. Ou commandez-la aujourd'hui sur vandenborg.be et elle sera livrée et mise en service gratuitement demain. TV, multimédia, électro. Vandenborg, la confiance. Dans un monde qui change, chaque supporter compte pour booster son business. Alors avec BNP Paribas Fortis, supportez les entrepreneurs près de chez vous et aidez-les à gagner leur pub sur le maillot d'Anderlecht ou une campagne média de 10 000 euros. Votez sur boostervotrebusiness.be. BNP Paribas Fortis, la banque d'un monde qui change. Et Marc, ouais. T'as vu chez Deleuze, ils offrent un ballon gratuit. Oui, et même pas besoin de s'appeler Kevin pour le recevoir ce ballon. Ni Thibaut, ni Axel, ni Driss, ni Romelu, ni Marc. Bah, je plaisante. Mercredi 15 juin dans votre Deleuze, un ballon de foot gratuit à l'achat de minimum 50 euros. Et c'est pour tout le monde. Deleuze. Bien acheté, bien mangé. Voir conditions de l'offre en magasin. Les vacances, ça n'attend pas. Et encore moins l'achat d'une nouvelle voiture pour partir. Celle-là est très bien. Allez-y, on la prend. Parfait, madame. Attends, tu crois, moi j'aurais voulu un écran tactile avec GPS intégré. Ah, oh, passe-moi ton smartphone. Vous auriez de l'adhésif pour fixer ça au tableau de bord. Chez Peugeot, pas besoin de faire de compromis. Il y a les offres prêtes à partir. Des Peugeot super équipés, disponibles immédiatement à un prix super intéressant. Et en plus, jusqu'au 18 juin, 4 ans garantie sur tous les véhicules de stock. Découvrez toutes nos offres sur webstore.peugeot.be. Offre soumise à condition. Moi, je suis le préservatif. Avec moi, vous vous protégez et vous protégez les autres. Moi, je suis le test de dépistage. Grâce à moi, vous savez si vous êtes infecté par le sida ou par une infection sexuellement transmissible. Et moi, je suis le traitement. Je vous soigne et je peux vous permettre de ne plus être contaminant pour votre partenaire. Préservatif. Dépistage. Traitement. Ensemble, nous sommes les bons réflexes pour vous protéger du sida et des infections sexuellement transmissibles. La prévention évolue. Renseignez-vous sur lesbonsreflexes.org avec le soutien de la Wallonie et de la COCOF. Et vous nous rappelez, Christophe, l'actualité de ce mardi. Les Diables Rouges reprennent l'entraînement dès 16h cet après-midi. Il va falloir rectifier le tir après la défaite 0-2 face à l'Italie hier soir. La Belgique est dernière de son groupe ce matin. Prochain match samedi face à l'Irlande. Un nouvel attentat au nom du groupe terroriste État islamique. Un policier et sa compagne ont été abattus hier soir près de Paris. Le tueur a été tué ensuite par les forces spéciales d'intervention. Un homme déjà condamné pour avoir participé à une filière djihadiste. Aux États-Unis, nouvelle piste après le massacre dans la discothèque gay d'Orlando. Le tueur était peut-être un homosexuel refoulé. Il aurait fait des avances à un ancien camarade de classe. Ciel chargé encore ce matin, quelques ondées, mais c'est moins grave qu'hier. Par contre, cet après-midi, c'est rebelote comme hier avec des averses orageuses la plus intense. 19 degrés de maxima. Et la bonne nouvelle, c'est qu'entre les orages, il y aura des éclaircies. Merci. Il est 8h30. Et on s'informe. Bonjour Fabien Magri. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Fouetter de l'huile et un jaune d'œuf avec de la moutarde, du jus de citron ou du vinaigre, vous obtenez une mayonnaise et ce n'est pas plus compliqué. La recette est bétonnée dans une nouvelle loi publiée au Moniteur. Elle prévoit au minimum 70% d'huile au lieu de 80% et 5% de jaune d'œuf au lieu de 7,5%. L'industrie alimentaire belge voulait faire face aux producteurs étrangers qui proposent des sauces moins grasses que les belges. Mais à Warem, la société Colonna ne compte pas changer sa recette, sauf, comme nous l'a dit le patron Philippe Collomb, si les clients le lui demandent. Qu'est-ce que les grandes enseignes de supermarchés vont demander en Belgique dans leur cahier des charges pour leur marque propre ? Ça, nous le verrons. Nous sommes en contrat jusque fin d'année chez la plupart et nous verrons le cahier des charges qui sera présenté à partir de 2017. Alors, s'il y a une guerre des prix sur les mayonnaises de marque, qu'est-ce que vous faites ? Nous devrons nous adapter pour pouvoir rester compétitif, mais nous pensons à ce moment-là créer un label spécial, une mayonnaise 80% d'huile, 7% de mie jaune d'œuf de manière traditionnelle, le mentionner sur l'étiquette et essayer de la vendre telle qu'elle pour les gens qui voudraient garder ce vrai goût de la mayonnaise. Une interview signée François Brébant. Un Autrichien condamné à 10 ans de prison par le tribunal correctionnel de peine. Il a été reconnu coupable du meurtre d'un ressortissant allemand. Un crime marquis de Seim commis en province de Liège, dans la commune d'Amblève. Oui, les faits remontent à un peu plus d'un an, le 15 mars de l'année dernière précisément. Cet Autrichien se trouve alors dans l'appartement de sa victime et lui porte un coup de couteau. Touché à l'artère pulmonaire, le ressortissant allemand tente de se rendre chez un voisin pour demander de l'aide, mais il succombe finalement d'une hémorragie interne. Lors du procès, l'avocat de l'agresseur a plaidé la démence, une ligne de défense que n'a pas suivi le tribunal, qui a donc infligé une peine de 10 ans de prison à l'auteur de ce meurtre. Meurtre jugé par un tribunal correctionnel, plus par une cour d'assises, c'est une pratique marque qui a désormais tendance à se répandre. Effectivement, et c'est en fait la conséquence de la nouvelle loi entrée en vigueur fin février, la loi dite Potpourri. Désormais, tous les crimes sont susceptibles d'être traités par un tribunal correctionnel, y compris les faits les plus graves. Mais ça ne veut pas dire évidemment qu'ils échapperont tous aux assises, ce sera en fait décidé au cas par cas. Le principal objectif de cette nouvelle législation, c'est d'éviter l'engorgement des cours d'assises, engorgement qui retardait la tenue de nombreux procès. À présent, une première mondiale à l'hôpital de la Citadelle de Liège. Un robot accueillera désormais les patients et les visiteurs. Son nom, Pepper. Son logiciel a été imaginé par une société belge dont le directeur Fabrice Goffin a déjà vendu 300 exemplaires. Bonjour, je suis Pepper. Je suis un robot. Est-ce que je peux vous aider avec quelque chose ? C'est un robot humanoïde qui va servir surtout à faire la bienvenue des personnes qui arrivent ici, de les renseigner sur certains services et un peu de diminuer le nombre de questions répétitives qui se font à l'accueil pour permettre à l'accueil de fonctionner optimalement. Les patients vont pouvoir lui poser des questions. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'il fasse peur justement ce robot ? Mais non, il a été conçu quand même avec une tête assez sympathique. C'est pas un robot de 2 mètres avec une veste en cuir qui va vous dire « I'll be back » comme Arnold Schwarzenegger. Et ici, il est vraiment avec ce qu'on dit une bonne bouille. Et jusqu'à présent, les robots qu'on a placés en milieu hospitalier, qui étaient un peu plus petits que celui-là, mais qui avaient à peu près la même tête, ont été toujours acceptés, que ce soit de personnes âgées comme de jeunes enfants. Je suis un robot assistant. Bye bye. Le coût de ce robot, 30 000 euros. Des robots similaires sont déjà en test en France et au Japon, mais dans des commerces et des grandes surfaces, là-bas. Un an après l'affaire Munich, que devient le fameux fromage de Herve au lait cru? Eh bien, il se porte très bien, figurez-vous. Vous vous souvenez que de la listeria avait été trouvée dans des fromages d'un producteur, trouvé par l'AFSCA. Depuis, le producteur a cessé ses activités. À l'époque, la mobilisation avait été importante au niveau du public. Alors, un an après, est-ce que cette affaire a changé quelque chose pour les producteurs de Herve? Pour Anne Zinen, la coordinatrice de la SBL Fromage de Herve, qui réunit notamment les producteurs, les effets sont surtout positifs, elle l'a dit à Olivier Tunus. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, une image très positive, puisque bon, s'il y a eu effectivement ces problèmes il y a un an, les gens ont défendu ce produit. Nous, par exemple, les touristes, on voit vraiment qu'ils ont posé beaucoup de questions à propos du fromage de Herve. Maintenant, voilà, les volumes ont un peu augmenté pour les producteurs. Il y a eu toute une mobilisation à l'époque. Est-ce qu'elle s'est poursuivie? Est-ce qu'il y a encore des effets aujourd'hui de cette mobilisation? Nous, par exemple, pour la SBL, on a senti un regain de dynamisme au sein de la SBL, de nouveaux membres aussi. Finalement, l'affaire Munich, elle aurait été positive ou bien quand même du négatif? Je pense qu'elle a ouvert les yeux sur certaines choses. Maintenant, nous, nos producteurs, ils respectent totalement les règles sanitaires, donc ils sont en ordre, ils l'étaient déjà. Donc, positif, parce que peut-être qu'on a justement un peu titillé les sensibilités de chacun et que partout, on s'est dit, tiens, est-ce qu'il n'est pas temps qu'on se mobilise un peu autour des produits terroirs en règle générale. Encore un petit mot de sport, on va commencer par le tennis. David Goffin s'est qualifié pour le deuxième tour du tournoi sur gazon de Halle en Allemagne. Le Liégeois s'est imposé difficilement en 3-7 contre le Croate Coric. Au deuxième tour, Goffin sera opposé à l'Ukrainien Sergi Stakhovski qui est centième à l'ATP. Et puis en football, Philippe Van de Waal devient l'entraîneur des gardiens au Standard de Liège. Le Carlo de 54 ans vient de signer un contrat pour 2 saisons. Et à 9h, c'est vous qui le dites, 3 débats sur la table. D'abord les Diables Rouges qui ont perdu 0-2 contre l'Italie. Qu'est-ce qui s'est passé? Et est-ce que ça va être chaud pour la suite? Ce sera à vous de le dire. Ensuite, à Perouet, on construit un refuge 5 étoiles, 3000 animaux, 12 mètres carrés par chien, de la musique, 2 mètres carrés pour les chats. C'est trop de place, pas assez de place, beaucoup mieux qu'ailleurs, moins bien qu'ailleurs, vous le direz. Et puis, 3 jours après les 50 morts d'Orlando, est-ce que l'homophobie est une réalité dans la communauté musulmane, là-bas et ici, chez nous, en Belgique? Marion Jomot, Standard ouvert. Et pour donner votre avis au Standard, 3 manières différentes pour le faire. Soit de vous téléphoner au 070 233 466, soit de vous envoyer un SMS au 3063, ou encore, vous pouvez aussi commenter notre page Facebook. Vous y retrouverez les 3 sujets de débat de ce matin. Il y a du lourd sur la route, Benoît Ferrière. On commence par vous. Qu'en est-il pour circuler à Liège? Eh bien, ça va pour un mardi matin. 1 quart d'heure de perdu sur l'axe 40 ex-Bruxelles à hauteur du viaduc d'Herstal à partir de Soumagne. Ralentissement également sur la E25 en provenance des Pays-Bas et en provenance des Ardennes comme traditionnellement. La traversée du tunnel de Cointe se fait à une vitesse relativement normale et au centre-ville, quelques ralentissements évidemment alentour de la place Saint-Lambert en raison des travaux. Donc évidemment, rue de Bruxelles qui ont changé de phase. On vous le rappelle, mais pour le moment, tout roule encore assez bien. Attention, c'est une voiture sur le toit sur le 42 Mons-Liège à hauteur de Fernelmont. La bande d'arrêt d'urgence est neutralisée. Circulation ralentie en direction de la cité ardente. Toujours cet accident à hauteur de Gosly en direction de Charleroi et de Mons. Plusieurs camions impliqués. 1h30 de temps d'arrêt. Et puis ce contrôle radar sur le 25. On contrôle votre vitesse en ce moment entre Chesnay et Sprimont en direction du Luxembourg. Prudence et bonne route. Et tout de suite, la suite du 8-9. On n'est pas des pigeons. Vous non plus? On va s'entendre. Voilà. Dès 11h, sur Vivacité. Avec nous, l'euro est bleu, blanc, diable. Ouais, hein. Vivez un tour difficile, les 45 secondes. 2016 au plus proche de l'action. Portugal-Islande, à suivre en direct ce mardi soir sur la 2, Vivacité et sur rtbf.be/ovio. Enflammez le supporter qui est en vous. Envie de fou rire, où, quand et comme je veux. Nous terminons la semaine presque sérieusement. Laurence Bibot pour le café serré. Pour ce grand cactus. RTBF Ovio, l'humour, où, quand et comme je veux. C'est sur rtbf.be/ovio. AUVIO. RTBF Ovio, libérez vos envies. De 8 à 9, le 8-9. Bon, on le disait tout à l'heure, à cause de Kevin De Bruyne, l'actualité musicale est faible ce matin. Ben non. Disait Julie Compagnon. Elle est faible en quantité, mais elle est grande par sa qualité avec Florent Motte, vous le savez, qui est un très joli garçon de 35 ans, qui fait des musiques extraordinaires. On aura l'occasion d'écouter. Ça se voit que vous n'y croyez pas. Il fait de la flûte traversière. Attends, on refait parce que ça se voit que vous n'y croyez pas. On refait. Et donc, dans l'actu musicale tout à l'heure. Florent Motte, Benjamin Maréchal, avec un nouvel album et son nouveau single s'appelle Quoi de neuf ? Vous écouterez un extrait tout à l'heure. Il y a un truc, on sent qu'il y a un truc. Hein, c'est pas que de la faute de Kevin De Bruyne, hein, je suis bien désolée. Alors, il n'était pas en forme, d'accord, mais c'est pas que de sa faute. Attends, non plus. Attends, parce que Madame quand même un petit mais est-ce que Madame Kevin Sarah fait de la Bruyne flûte traversière ? Non, je ne le crois pas. Mais non, alors Madame Sarah De Bruyne, qui d'autre si c'est pas Kevin ? C'est le collectif, ils n'ont pas du tout joué en équipe, ils ont joué chacun pour eux. Alors, forcément, c'est pas du football. Femme de mauvaise foi. À 5h du matin au bureau, elle m'a dit après le bonjour, Lukaku. C'est quoi ? Vous voulez qu'on balance ? Pourquoi détestez-vous Lukaku, qui passe autant d'eau au but quand même. Elle me l'a dit en boucle ce matin. Nous allons au théâtre après l'analyse sportive de haut vol. Nous allons maintenant au théâtre. Vous savez que chaque année, au profit de Viva for Life, les animateurs de la RTBF jouent au théâtre. Vous en étiez, Sarah, le mariage de Mademoiselle Beulemans, Bosman et Coppenole. Vous étiez dans laquelle, Jérôme ? Alors moi, j'étais dans Madame Chapeau, si je vous le remets ainsi. Heureuse femme. Eh bien, voici donc la pièce de cette année en change de style. Le malade imaginaire, c'est du Molière. 26 et 27 juin au théâtre Le Public à Bruxelles. Et dans la troupe RTBF, il y a Guy Lemaire, bonjour. Bonjour Benjamin. Vous êtes donc Argan, le malade. Je suis le malade, oui. Voilà. Et j'assume. Et alors une partie de la troupe, François Mazur, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Vous êtes le prétendant de la fille du malade. Votre rôle c'est ? Exactement, j'ai le rôle de Cléante, donc l'amoureux transi de la fille du malade imaginaire, d'Angélique. Alors, un défi que je relève là parce que j'ai aucune expérience du théâtre. Jamais ? Même à l'école ? Même en rétro ? Si, à l'école, mais ça remonte. Hein. Vers 15-16 ans, j'avais joué une fois Roméo, dans Roméo et Juliette. Quand même, Roméo. Il ne joue que les jeunes premiers. Vous avez que des jeunes premiers. Les séducteurs. Vous souvenez de quelques vers de Roméo et Juliette ? Ah, écoutez, je vais y réfléchir, hein, et peut-être vers la fin de l'interview, peut-être. Alors attention, test, j'ai imprimé le texte. Oh ouais. Malade imaginaire. Donc, Guy, vous êtes Argan, vous connaissez votre texte par cœur déjà ? Bientôt. Mais quand ? Parce que c'est le 26, la première. C'est en vers ou c'est pas en vers ? Non. Ce qui est à la fois un avantage, parce que de temps en temps, on peut dire un mot pour l'autre à condition qu'il sonne bien 17e, mais un désavantage, parce que les vers, il y a une musique et on est porté par le rythme. Oh, j'imagine, petit bonhomme. J'ai jamais joué en vers. Alors, on va échanger, donc j'ai imprimé un passage. Vous allez, François, faire Argan, donc prendre le rôle de Guy Lemaire, et Guy, vous allez faire Angélique. Voilà le dialogue. C'est votre interview, donc. Vous ne vous mouillez même plus maintenant. Excuse-moi, mon ami, j'aide mes collègues à entrer dans le rôle. Ah, pardon, mais je n'avais pas d'autre. Mais c'est bien, voilà. Mon ami. Oh non, comme ça, on inverse. Donc, allez. C'est... Donc là, Guy Lemaire est jeune premier, donc c'est bien ça que vous êtes en train de nous faire croire. Guy Lemaire est Angélique. Ah, pardon. Et François Mazur et Argan. Et jamais trop tard. L'opération est un franc succès. Silence. Il faut faire les trois coups. Silence sur le plateau, c'est pour Viva for Life. Allez-y, les trois coups. Voilà. Oh ça ma fille, je vais vous dire une nouvelle. Ou peut-être, ne vous attendez-vous pas, on vous demande en mariage. Qu'est-ce que cela, vous riez ? Cela est plaisant, oui, ce mot de mariage, il n'y a rien de plus drôle pour les jeunes filles. Ah, nature, à ce que je puis voir, ma fille, je n'ai que faire de vous demander si vous voulez bien vous marier. Je dois faire mon père tout ce qu'il vous plaira de m'ordonner. Je suis bien aise d'avoir une fille si obéissante, la chose est donc conclue, et je vous ai promise. C'est à moi, mon père, de suivre aveuglément toutes vos volontés. Ma femme, votre belle-mère, avait envie que je vous fisse religieuse, et votre petite sœur, Louison aussi. Et de tout temps, elle a été heurtée à cela. Et puis alors, toi, Annette intervient. C'est Véronique Barbier. Ouais. Qui joue la bonne. Vous faites pas toutes les voix ou de la femme, bonne. Ou la bonne. La bonne bête a ses raisons. Oui, non, vous n'allez pas tout faire, les gars. Pourquoi c'est accessible ? Parce que c'est pas en vert. On peut le faire. Oui, je crois. Vous n'avez pas choisi l'extrait. Il y a moyen de comprendre. C'est le plus compliqué. Ouais. C'est un extrait facile. On pourrait le faire avec les filles. Exactement. Aussi, si vous le souhaitez. Alors, Argan, donc, c'est ce veuf remarié avec Béline qui simule des soins attentifs, mais en fait, sa femme n'attend que sa mort pour hériter. C'est quoi votre rapport à la médecine, François Mazur ? Vous êtes flippé ? Vous allez chez le médecin ? Moi, je suis un peu comme Argan. Je suis hypochondriaque. Ouais. Vous avez fait la visite médicale ? Pour le travail ? Je l'ai fait chaque année, clairement, je l'ai fait. Donc, j'en sors complètement blanchi à chaque fois, mais je reste. Quand ça ne durera pas. Rien n'est retenu contre vous. Les cyclistes disent ça aussi, et puis six mois plus tard. Il y a Cutie à 9h. Boum ! Boum. Guy, vous êtes flippé avec la médecine ou pas? Pas du tout. Peut-être trop peu d'ailleurs. Non. Moi, je suis plutôt du genre. J'ai pas dit que je voulais pas savoir, mais le moins est le mieux et voilà. Non, je vous dis ça parce que Molière, quand il joue Argan, celle-là, il est sur le point de mourir. Voilà. Et il meurt pendant les représentations. Pas sur scène, comme on l'a dit, mais à côté au Palais Royal où on le transporte. Il a dû interrompre, comme Muriel Robin, il y a 15 jours. La comparaison. Et c'est sa dernière pièce. Mais il avait un sérieux compte à régler avec pas la maladie, avec les médecins, ce qui est très différent. Vous êtes diabétique? Comment? Vous êtes diabétique? Kissinger, j'imagine. Pourquoi? Je fais votre bilan médical. Vous êtes diabétique, François Mazur? Kissinger également, j'en sais rien. Alors attention, parce que François Mazur, en matière de maladie, pour 7 à la une, vous êtes retourné il n'y a pas longtemps au Japon, dans la zone Fukushima. Vous aviez été au moment de la catastrophe, retrouver un fermier qui vous avait accueilli. Vous êtes retourné à Fukushima. Vous êtes bien renseigné, effectivement. Non, je regarde la télé, j'ai pas beaucoup de mérite. Et vous êtes nucléaire? C'est vrai qu'on s'est beaucoup inquiété pour moi, parce que je suis allé 3 fois et 2 fois dans la zone interdite. Je ne fais pas encore pipi fluo, je vous rassure. Ouf, contre le géranium dans le dos, là, pas encore. Généralement, on prend toutes les mesures qu'il faut. Et là, en l'occurrence, on avait les petits dosimètres, on avait tout ce qu'il fallait, et on est sorti sans aucun souci. Et de l'iode. C'est ça. Et de l'iode. Et vous savez ce qu'on avait fait aussi? On avait mangé 1 kilo de moules avant de partir. Ah, ça fait 10 minutes. Charger la glotte en iode. Ah, génial. Ouais. Donc, chaque fois que vous allez à Tillange, vous mangez 1 kilo de moule. Moins de 1000. C'est moins de risque. Impressionnant. Bon, alors, la pièce, 26 et 27 juin, il y a qui dans la troupe, Guy? Faites-moi le casting complet. Eh bien, il y a Véronique Barbier, qui joue Toinette, qui est un rôle assez costaud, tonique. C'est elle qui tient la pièce avec le malade, on peut bien le dire. Il y a Sophie de la Colette, qui sera une merveilleuse Angélique. Il y a Joël Scorils, qui est ma femme, pas du tout intéressée, comme vous venez de le dire. Il y a Cédric Wautier qui joue mon frère, qui est la raison même. Philippe Soreille qui joue le docteur Diafoirus, dont le fils Thomas Diafoirus sera incarné par Esteban Van Pieperzel, que vous connaissez bien. Des pigeons. Et puis il y a Gérald Watley qui va nous donner un purgon absolument extraordinaire. Ça, je peux vous le garantir. Ouais. Avec James Dino et Sarah Grosjean pour nous repiquer au cactus. J'espère que je n'ai oublié personne, sinon le metteur en scène qui est Michel Bogen, qui interprète d'ailleurs le malade pour le moment sur la scène du public. Bon, Guy, c'est un habitué, il a inventé le théâtre et la télévision. Merci, vous, François, ce soir. vous flippez, François, ou pas? Complètement, parce que je pense que de toute l'équipe, je suis celui qui est le moins d'expérience. Ça remonte à 20 ans, je me rappelle même plus d'un extrait de Roméo et Juliette. Quand on a fait Roméo, on peut tout faire. Mais oui. Mais écoutez, l'important, c'est de s'amuser, et surtout, c'est pour la bonne cause. Scoop, oui. Il chante dans la pièce. Aïe. C'est pas vrai. Je n'en dirai pas plus. Oh. Et il chante maintenant, car c'est une répète. Allez-y. Allez-y, parce que j'ai des trucs sur le feu derrière. J'ai de la chance que je viens de réciter. Belle Angélique, c'est trop souffrir. Il chante, là. Rompons ce dur silence. Attention, parce qu'il y a des yeux experts. Ah ouais. Vous êtes déjà amoureux. Ouvrez vos pensées. Apprenez-moi ma destinée. C'est pas le texte de Pascal Obispo. C'est juste. C'est pour ça que. Voilà. Allez, j'applaudis, c'est pas mal. Ouais. Venez soutenir Viva For Life, 26 et 27 juin, Théâtre Le Public à Bruxelles. Guy Lemaire et François Mazur, bonne journée, messieurs. Merci. À vous. Un numéro de téléphone, parce que pour que les gens puissent rapidos. Les avoir. 0800 944 44. Venez nombreux. Encore. 0800 944 44. Il est bien le petit. Encore. Moi, je lui donnerai bien. 0800 944 44. Encore. 0800 944 44. Plus. Il connaît son texte. Ouais. Et il nous reste une place au Kikadi. Envoyez maintenant 3063. Je veux jouer. C'est un last minute. Une place pour vous à la table en envoyant 3063. Je veux jouer. Nom, prénom, coordonnées complètes. On joue après ceci. Luminus soutient votre énergie pour les Diables Rouges. Encouragez-les via le hashtag 12e Diable. Luminus, à votre service. Vivacité et la 2 présente les Bikers Classics. Les 2 et 3 juillet, la MotoGP fait son retour sur le circuit de Spa-Francorchamps. Lifestyle Village consacré aux café racers. Parades, concerts, courses d'endurance et présence de champions tels que Giacomo Agostini, Christian Sarron ou Bradley Smith. Tickets et informations sur bikersclassics.be. Un événement DG Sport. Pour profiter pleinement de votre été en Wallonie, ce mardi 14 juin, à l'achat du journal L'Avenir, recevez gratuitement votre guide touristique de 108 pages sur les sites et manifestations de Wallonie, avec livret détachable consacré aux balades à vélo. Votre été en Wallonie, votre guide touristique gratuit ce mardi 14 juin avec le journal L'Avenir. L'Avenir, l'avenir est au contenu. chez Decathlon et sur decathlon.be, il y a tout ce qu'il faut pour faire du sport en vacances. Idéal pour tous ceux qui sont du genre... Allez, prends ton nouveau masque, on va voir les poissons. Mais aussi pour tous les... Et les gars, il y a des belles vagues. Sors la planche. Pour eux et tous les autres sportifs, maintenant, le sport est plus facile. Decathlon, à fond la forme. Cette semaine, le 5 à 7 de Vivacité s'envole pour le Québec. Faut y aller! Découvrez les expressions de chez nous et tentez de deviner ce qu'elles signifient. Il n'est pas question que j'aille jouer à ton quiz niaiseux. Vous pourriez remporter un panier garni québécois ou un magnifique séjour au Québec. Il faut y aller! Et le jeudi 23 juin, dès 17h, venez lâcher votre fou. Participez à la fête nationale du Québec au Moudeur Lambic, place Fontenas à Bruxelles. Oh, s'il vous plaît. Avec Tourisme Québec, Air Transat, GoToCanada et la délégation générale du Québec à Bruxelles. Vivacité à viser en toute complicité sur 90.5 FM. Le 8-9 est à Ougrès. Marie-Jeanne, bonjour. Bonjour toute l'équipe. Bonjour. Alors, parlez à Kevin De Bruyne qui vous écoute ce matin. Qu'avez-vous à lui dire? Bon, bah écoutez, il ne faut pas qu'il perde de courage. Hein. Voilà, tout le monde va se ressaisir. C'est bien dit ça, Marie-Jeanne. Je suis d'accord avec vous. Ouais. Qu'avez-vous à dire à Lukaku qui a un petit moral ce matin? Bouh. Non, rien de spécial. lui, c'est peine perdue, je pense. Excellent. Bon, je veux faire un petit coucou spécial à mon Jérôme chéri. Mais avec le plus grand soleil. Je rappelle que les épouses du personnel n'ont pas le droit de jouer, Jérôme. Oh mince. Nous sommes faits, ma chérie. Nous allons faire une exception pour Marie-Jeanne. Voici le Kikadi de ce matin, un cadeau à la clé et un mot imposé pour le live de vendredi. Qui a dit... Kikadi, une bonne discussion s'impose. Ce serait dommage de ne pas oser provoquer cette discussion. Kikadi, une bonne discussion s'impose. Ce serait dommage de ne pas oser provoquer cette discussion. Qui a dit ça? Vincent Compagnie, le discret observateur. Thibaut Courtois, le discret gardien. Ou Morane, la discrète observatrice. À qui pensez-vous, Julie? Moi, je pense que Vincent Compagnie ne fait pas partie de la partie. Et que du coup, peut-être qu'il a envie de faire une discussion alors, qui s'impose. Alors, prenez-en votre partie. Alors, okay. Elle dit Compagnie. Jérôme? Il n'y a pas d'insulte, donc ça n'est pas Morane. Il n'y a pas Thibaut de sel. Courtois. Non, Courtois, je ne le vois pas parler comme ça. Moi, je pense que c'est Compagnie, qui nous manque tellement sur le Courtois, terrain. Courtois, il s'est lâché hier. Ex-capitaine. Bon, vous pensez à qui alors, vous, Marie-Jeanne? Je vais être d'accord avec l'équipe, et ce sera Compagnie. Eh ben non. C'est toi. Désolé, Thibaut Courtois qui a dit « Ah, on va chipoter sur la défense, mais moi je dis qu'il y a un problème au milieu de terrain. » Il a dit ça, tout timide qu'il est. Il a dit ça, et il a dit « Il y a des gens qui étaient en dessous de leur niveau, qui n'étaient pas leur place. » Il a dit qu'on a été surclassés tactiquement. Ouais. Clac, il est fâché. Marie-Jeanne. Désolée. Oh, je suis déçue, oui. Pas grave, je garde le all-in en Turquie pendant 2 semaines. Quel est le mot que vous imposez? C'est pas vrai. C'est pas vrai, mais vous repartirez avec Jérôme dans tous les cas de figure. Quel est le mot que vous imposez pour le live de vendredi? Eh bien, si je peux me permettre, ce sera Marie-Jeanne. Ah ben, comme dans la chanson de Michel Sardou. Bien sûr. Voilà, Marie-Jeanne, c'est auto-servi. On vous embrasse à Ougrès, à bientôt. Merci beaucoup, au revoir, à bientôt. Gros bisous. Et dans un instant, à cause de Kevin De Bruyne, Florent Motte. Les Ardentes. Du 6 au 10 juillet à Liège. Avec Indochine. Aaron. Alice on the Roof. Les Innocents. Ibrahim Malouf. Big Flo et Oli. IBI. Musti. Christophe. Nekfeu. Marc Ronson. Et Pharrell Williams. Info et réservation, lesardentes.be. Avec Vivacité, La 2, Wico, SD Works et ING. Messieurs, dames, vous aimez les pommes de terre primeur, alors vous allez adorer mes pommes de terre Spunta Chocolat en provenance directe d'Italie. Elles sont à 9 euros la caisse de 10 kilos. Profitez-en. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Ouvert les dimanches et jours fériés. Horaire en magasin. Vivacité présente La Nuit des Cœurs 2016. Ces 26 et 27 août, découvrez le concert promenade féerique dans les prestigieuses ruines de l'abbaye de Villers-la-Ville. Chaque soir, 6 ensembles vocaux de prestige chantent pour vous. Info, nuitdescoeurs.be. Avec l'Avenir, Télépro, la Loterie Nationale et le CGT. Waouh, ces lignes séduisantes. Oh. Le vrai plaisir de conduite Jaguar. Sa faible consommation. Oh. La Jaguar XE est une berline sportive à couper le souffle. À partir de 35 600 euros, 3 ans d'entretien compris. Et pour ceux qui se décident vite, jusqu'à 6 500 € d'avantage sur les véhicules de stock. Rendez-vous chez votre concessionnaire Jaguar ou sur jaguar.be. Jaguar, the art of performance. Le 8-9. Ah, c'est pas tout ça, question d'intérêt général quand même. La mayonnaise belge est désormais moins grasse. Qu'inscririez-vous sur les pots comme nouveau slogan ? Jean-Marie Langlais nous dit « René Mafrite aurait dit « Ceci n'est pas une mayonnaise ». René Mafrite. Okay, il y a un bon public dans la salle. Jamais je n'ai eu un rire comme ça. Benoît Demain, autour de hanche, la maillot jaune a vaincu le cholestérol. Oh oui. Alors là, on est là, on est là. En tant que supporter des Diables, comment vous présenteriez-vous un supporter irlandais aujourd'hui? Bon, vous avez jusqu'à demain pour réfléchir à ça. C'est sur la page Facebook du 8-9, bien évidemment. C'est là que vous laissez également tous vos commentaires. Et sur vivacité.be, c'est la revue de presse de ce matin. Toute l'équipe qui commente les unes des journaux consacrées évidemment au Diable Rouge. Et puis le nouveau drame de Nabila qui était hier à Bruxelles et qui n'a pas attiré la toute grande foule. Vous découvrirez pourquoi sur vivacité.be. C'est dans la revue de presse. Julie, 8h55, oui. C'est l'actualité musicale. Et là où vous auriez pu nous donner 10 noms, 5 noms, 3 noms. Eh bien, il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un seul. Et c'est Florent Motte. Alors, est-ce que vous voyez qui est Florent Motte ? L'Assassin Folie. Oui, il a gagné deux voix. Exactement. Alors, c'est un musicien. Et attendez, il est venu deux fois dans le 8-9 et je le mets dans le top 5 des invités français qui se la pètent le moins. Tout à fait. Et Dieu sait qu'il y en a. Ouais. Très sympa, très beau musicien. 35 ans, il fait de la flûte traversière, monsieur. Et on le connaît parce qu'il a joué dans Mozart, l'opéra rock, avec ce tube qui a cartonné, écoutez. Vedette aussi à la vedette. Oui, ouais, Michelangelo Loconte, qui était donc Mozart, mais il n'a pas vraiment volé la vedette, mais c'est vrai qu'il était plus sympathique de son fils. Michelangelo, quand il est venu, il mettait du noir sur toujours, ses yeux. Il se maquille toujours les yeux, mais ça lui va très très bien aussi. Ceci dit, Florent Motte aussi se maquille un petit peu. Hein. Enfin, je balance pas, mais je dis quand même. Bah écoutez, allez-y. Et il a aussi joué dans La Légende du Roi Arthur, et il a fait ce beau duo avec Zao qui s'appelle Mon Combat, écoutez aussi. Yeah! Personne n'a volé la vedette à personne dans celle-là. Non, alors, non là c'est sûr non, que... Non, c'était pas mal. Enfin bon, là il sort un deuxième album solo hein, qui paraîtra début 2017. Et voici ce premier single qui s'appelle « Quoi de neuf ?» Voilà. C'est très dansant, moi franchement je trouvais que la mélodie était assez évidente, ça invite à la danse, en plus il le demande dans la chanson, hein. Tout le monde se lève et se met à danser. Il a quand même co-écrit 3 textes pour le prochain album de Céline Dion, c'est pas rien. À mon Florent avis, Motte. Ouais, Florent Motte. Classe. Ouais, c'est franchement pas mal, bah, quand on voit ce qu'il peut écrire, c'est quand même assez saisissant, hein. Que tout le monde se lève et se met à danser, moi franchement, j'en aurais voulu aussi. Mais vous faites ce que les Diables Rouges n'ont pas fait hier, vous taclez. Je tacle pas du tout. Mais voilà, c'est intéressant comme musique, c'est une petite musique légère d'été. Peut-être que l'album, il y aura un petit peu plus de fond, je ne sais pas, mais... Elle envoie des messages subliminaux. Mais non, mais c'est ce qu'on attend, on n'a pas assez... Je serai la mère Motte, j'entends ça à la radio, je suis mal. On n'a pas assez de tubes de l'été parce qu'il y a l'euro, etc. Et donc on n'entend que des chansons de supporters. Je n'ai pas dit la mère Motte, j'ai dit la mère Motte. Non, mais j'ai bien compris. Sinon on fait des blagues entre nous. Je veux dire que ça fait plaisir parce qu'au moins on aura un tube de l'été qui va un petit peu tourner. Parce que c'est vrai qu'avec les chants de supporters, les chants de foot et tout ça, les chants de foot, Motte, vous savez, Florent, la terre, l'herbe, tout ça. Enfin bon, j'ai essayé de faire une. Il y a pas vraiment de chants de foot, je trouve. C'est lequel après l'Euro. Qui est l'innocent. Qui met le tour en radio et tout. Dit on va gagner, on va gagner. On va essayer de pas perdre maintenant. Le tube n'est déjà plus d'actualité. Je crois que Lou Depreck a fait un truc aussi pour les Diables Rouges. C'est pas Magic in the Air, quoi. C'est pas Field. Non, c'est une petite saison pour les tubes de l'été. C'est une petite saison, mais il y a peut-être encore quelques surprises qui vont arriver la semaine prochaine. Qui sait. ou alors je n'aurais vraiment plus rien du tout. Et donc, vous avez balancé sur la qualité d'écriture de M. Motte. Non. Vous avez balancé sur les tubes foot et donc envoyé un scud à Kiki l'innocent. Voilà. Un scud dont nous avons un des danseurs du clip sur le plateau. Oui, c'est vrai. Sacré choriste de surcroît. La chorégraphie n'est pas si évidente que ça non plus. Donc, l'album de M. Motte, c'est quand? L'album de M. Motte, c'est début 2017. Voilà. À mon avis, il est encore en train de préparer, puis il est en train de réfléchir aussi au texte qu'il va faire pour Céline Dion. Donc. Oui, parce qu'en fait, il n'a encore rien écrit, là. Donc, et c'est pour mardi. Hein, donc, c'est pour mardi. Bon. Vous n'avez pas deux, trois idées de texte? Attendez, ça on va peut chanter. Dire, il peut danser, il peut chanter aussi. Il peut tournoyer. Il peut chanter. Il peut mettre les bras en l'air. Il peut mettre les bras. Allez, hop, on met les bras en l'air. L'air. Tout le monde se lève pour Dion. Et bon, on a un tube, ben voilà. Gardez votre voix pour The Voice. The Voice revient, les auditions sont ouvertes. Inscrivez-vous et grande nouveauté, vous pourrez aussi inscrire un ami. Rendez-vous sur rtbf.be/The Voice. Voir Thibaut plonger sur un grand écran? Chez Vandenborre, nous sommes prêts pour le foot. Avec les dernières TV pour la meilleure expérience visuelle. Vandenborre. Bon, cessons de parler foot deux secondes pour parler pluie, car ça aussi, c'est une spécialité locale. Évidemment, évidemment. Même si ce matin, eh bien, sont privilégiés les habitants du sud, du Sillon-sans-Brémeuse, parce que là, il y a une bonne averse. Ailleurs, bah, vous êtes au sec, mais si on veut voir le côté positif des choses, on va se dire que cet après-midi, les averses vont recommencer. Averses qui pourraient se ponctuer d'un coup de tonnerre. Ceci dit, si vous aimez le temps sec, il faudra patienter jusqu'à samedi, parce qu'à partir de demain et jusqu'à vendredi inclus, on aura fréquemment des averses et des coups de tonnerre. Des averses donc assez abondantes. Côté température, 14 à 18 ou 19 degrés pour aujourd'hui, 13 à 18 demain et 15 à 19 pour jeudi et vendredi. L'amélioration semble se confirmer donc pour samedi. Vous écoutez Viva, il est 9h. L'info, Sébastien Pierret, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Et donc ça discute foot ce matin autour de la machine à café. Vous êtes nombreux à avoir débriefé ce match des Diables Rouges hier soir. Les Diables qui se sont heurtés à une Italie bien plus forte que défaite 0-2. Les Diables présentés comme favoris, eh bien les voilà derniers de leur groupe. Les supporters belges sont évidemment déçus, tout comme les joueurs. Mais eux, en plus, ils ont une sacrée pression sur les épaules pour la suite. On attendait beaucoup plus de ce match. Et voilà, les résultats n'étaient pas là et voilà, maintenant on doit se remettre en question et essayer de s'améliorer, de prouver au monde qu'on est une bonne équipe et qu'on a beaucoup de caractère. La suite s'annonce quand même compliquée, Marcus Motte l'avait dit, celui qui perd ici, il se met dans l'embarras. Ouais, c'est ça aussi, on s'est mis en difficulté là, mais voilà, maintenant on sait qu'est-ce qu'on doit faire. On doit juste continuer à travailler, se donner au maximum et faire un bon résultat, et gagner, jouer du beau football et après on verra qu'est-ce qui va se passer. Romelu Lukaku avec Ibi Brusakis. Les titres de la presse sont durs ce matin. Ça commence mal. La gifle italienne, déjà sous pression. Le Newsblad pose lui cette question en une. Coach, quoi maintenant? David Bertrand, la question est bonne évidemment et je vais vous la poser aussi. Le prochain rendez-vous pour les Diables, c'est samedi face à l'Irlande. D'ici là, qu'est-ce qu'il faut changer? C'est une question compliquée évidemment, Sébastien, mais une question que nos envoyés spéciaux qui suivent l'équipe nationale et qui assisteront à l'entraînement cet après-midi ne manqueront évidemment pas de poser à Marc Wilmots lors du traditionnel point presse du jour. Wilmots qui va devoir justifier ses choix et expliquer ses décisions tactiques d'hier, ses changements notamment et le fait de garder Kevin De Bruyne au jeu. De Bruyne qui était dans un jour sans hier, mais qui, s'il retrouve le niveau qui est habituellement le sien, est évidemment un pion essentiel de l'équipe nationale. Faut-il cependant le faire jouer dans l'axe comme le joueur apprécie ou le conserver sur le flanc comme Wilmots l'a fait hier? Lukaku conservera-t-il la confiance du coach? Pas sûr. Wilmots pourrait en effet changer ses plans offensifs avec Batshuayi, Origi, Benteke ou encore Carrasco. Au niveau de la défense, faut-il la maintenir en l'état ou faut-il la remanier? C'est là aussi l'une des questions. L'équipe, toute l'équipe va en tout cas devoir se remettre en question, jouer avec plus d'humilité et d'efficacité.